moi le rideau de peuplier. C'est un travailleur, ça voulait à la mer. Ces moutons-là suivent un pastourel à Paris. Sachant qu'elle viendrait comme à l'accoutumée, vint-il la guetter, amoureux et terré. Chaud de désir ardent se lève sans tarder. Au front passionnément, il vole l'embrasser, puis ayant remarqué des gouttes de rosée sur son front printanier d'un trait comme au ruisseau, furtif se désaltère et se glissant à son oreille. Laissez-moi lui, dit-il, m'épandre dans l'air bleu comme une source d'or des voltigeants cheveux. Et presque il est déplorable. Plus ardent maintenant dans ses voiles il pénètre, et dans un long frisson fâché la sentit. Des velours de baisers soudain là pour lécher. Elle prend dans sa main sa jupe et ses jupons, et laissant la houlette et blanc mouton, par-delà les fossés, par-delà les buissons, oiselle effarouchée, rapide elle s'envole. Cours, pastourelle, cours, le vent t'attrapera. Non, il ne mourra pas, non, il ne mourra pas. Et le vent souffle, souffle, souffle. Pastourelle, cours, vole, vole, vole. Les arbres filent, filent, filent. Et les moutons qui la poursuivent. Tout un printemps de fleurs de lait. Pont éclore dans les buissons.